Ça s'agit, on agit, fait danser la foule. Palestine brisée, écriture épuisée, méprisée, peu de vraie vérité, égarée, force à résister, se battre pour exister, le bruit de la raison du monde maquillé, paix, paix, jusqu'où la paix, ça peut de tous les sens, un sens en gland, sans bluff, un globe terrestre décrit par le temps, et même pas 10 000 ans, y'avait pas toute cette merde, 2009 c'est la guerre, la troisième mon pote, mais où est la faute, moi je dis le manque de foi, adopte les cœurs comblés par la mode, un monde de putes, voilà ce que je pense, à peut-être frère, car demain je serai peut-être mort, rien que ça flingue dingue, la casquette à l'envers. Quand il s'agit d'être violent, traîne seul en veillant. Mais je t'aime bien de ses frères, zinx, le lynx, lynx, l'amitié est crevée. Qui ça, moi je vais prouver, Dipla hit. Faut que je mérite mon nom, elle est courte la vie, à chaque minute on crève. On entasse les péchés, représente mes frères, la famille, la musique et tout ce qui m'épaule. Soit tu suis les règles, ou soit tu crèves. Rêve de vivre ou vis tes rêves, comme l'a dit Hugo et Bogos. Écoute le haineux au micro, ne toque pas à ma porte, j'ai toujours été réglo. À part la merde, j'ai plus rien dans le cœur. Sans motif, c'est sa cousin. À jeune âge, carrière illégale. Ni évêque. Tu sais, faudrait leur dire qu'on était là avant qu'ils sachent. Apprentissage du son qui claque, ça sort des caves, c'est Alibaba. Hey. Minos, dealer, on est vrai, on rap pour personne. J'ai pas percé, j'ai rien perçu. Si je manque mon arsenal, okay. Pas de vandardise dans ma gamme de rap, poteau. Toi qui crois que pour rapper, il te faudra le croco. T'sais, je veux te vendre des choses, j'attends pas que l'argent tombe. Je vois certains pignés gaspiller l'argent en tongs. Y'a trop de trucs que je veux plus, traîner des putes dans mon carrosse. Des bâtards à frapper comme la balle de Roland Garros. La traîtrise, on la connaît, poteau. Y'a pas photo. C'était trop tôt pour que la confiance on la côtoie. Mais on y croit, traîner le regard écarlate. Insouciant, petit scarlat, ça rêve péter le bouche de Carla. Je m'égare là, remake des discussions sans sens. C'était comme ça, bien insouciant, parce que les vrais seront là dans 12 ans. À part la merde, j'ai plus rien dans le cœur. Son motif c'est sa cousin. C'est sa cousin. Cousin. Mec des cas. À jeune âge, carrière illégale. Ni évêque. Une fois de plus, j'ai le moral à zéro. À croire qu'il y a une équipe de secours quand je me mets peine dans l'apéro. Apeuré par le temps qui m'éloigne trop souvent de mes proches. Je voudrais leur dire que nos routes s'éloignent comme des bateaux souvent des globes. Hey, ne prends pas d'eau car j'ai des doutes que tu t'appellerais sous. J'ai des soucis et j'ai des doutes que tu puisses les résoudre. Ils sont pas à l'aise, mais j'aimerais prendre le retour au revanchard. Protège-moi de mes amis car de mes ennemis je m'en charge. Si la vie c'est la guerre, j'aimerais qu'on rentre en vainqueur. Qu'on se batte pour nos principes et qu'on se contente des 35 heures. Tu sais, aussi tous faire la guerre, mais je crois que des survivants on s'en sort avec des séquelles et quelques crédits sur 10 ans. J'ai dû me lever bien tard pour ne pas que l'avenir m'appartienne. Illusion, dans mes rêves j'avais ma vie à m'apporter. La solitude n'arrange rien, me fait qu'endurcir l'insociable. C'est dur quand les coutures déstabilisent un homme instable. À part la merde, j'ai plus rien dans le cœur. Son motif c'est sa cousin. C'est sa cousin. Cousin. Mec des cas. Des cas. À jeune âge, carrière illégale. Ni vec.